Bonsoir à tous, bienvenue dans la 7e émission Écoutez, y a rien à voir, une promenade sonore et culturelle proposée par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis pour voyager ensemble dans les arts et par les mots. Notre rendez-vous sera consacré ce soir à l'artiste nonagénaire Pierre Alechinski, né sous le signe du cobra, autodidacte virtuose, suivi d'une interview de Lino De Gioli, peintre champion de l'art construit, demeurant à Vienne en Arty, en voisin de Vétheuil. Et à nos côtés pour nous accompagner dans cette évasion, la voix si proche et la chronique à consommer sans modération de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RGB 99.2 FM. Bienvenue dans un monde sans images et pourtant empli d'imagination. Septembre 1955, à l'occasion de l'ouverture à Tokyo de son exposition à la galerie Nabis, Pierre Alechinski se rend au Japon avec sa femme Miki. Pendant les 2 mois, il reste au pays du soleil levant. Alechinski réalise un film en 16 mm et en noir et blanc de 17 minutes intitulé Calligraphie japonaise. Le commentaire mis en voix par Roger Blin est écrit par son ami peintre et poète, fondateur du groupe Cobra, Christian Dautremont. Dans le Boletín del Paso, novembre 1957, Antonio Saura commente ainsi le film. Réalisé en 16 mm, ce court-métrage présente un intérêt incontestable, malgré un manque de maîtrise technique. La brièveté de certaines scènes, l'ingéniosité du montage et de quelques métaphores plastiques ont su mettre en valeur les plus remarquables calligraphes japonais actuels et leurs techniques de travail. La calligraphie japonaise abstraite présente un grand intérêt pour nous, car elle est le plus pur exemple d'une des tendances majeures de la peinture actuelle. Celui de la libération du geste spontané comme expression première et élémentaire, voie dans laquelle s'engagent plusieurs peintres occidentaux, d'une manière parfois indirecte ou plus clairement revendiquée. Peinture, gravure, lithographie. L'œuvre de Pierre Alechinski est immense. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains. Où qu'elles se tiennent, ses expositions connaissent le succès. Il a eu des rétrospectives importantes en Belgique. Il a décoré la rotonde du Palais Bourbon à Paris. Il a eu des commandes publiques importantes. Il a réalisé un des grands murs peints pas loin du lycée Henri IV à Paris, pour ceux qui connaissent, le fameux arbre bleu. Donc c'est quelqu'un d'honoré, de reconnu, c'est un artiste quand même très important. Né en 1927 à Bruxelles, Pierre Alechinski, peintre, graveur, rejoint en 1949 le mouvement Cobra, contraction de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Cette œuvre, elle est à la fois le lien entre l'héritage Cobra et la spécificité d'Alechinski, c'est-à-dire cette virtuosité du dessinateur, de l'homme du geste et de l'impression. De 1946 à 2005, Pierre Alechinski a réalisé 2000 de ses œuvres. L'eau forte, réalisée par Alechinski en 1962 pour illustrer les 75 premiers exemplaires du recueil de poésie d'Yves Bonnefoy. Les traversées. Cette eau forte est parue chez Fata Morgana éditeur, ne fait que 14 par 14 cm à peine. C'est une invitation au voyage monochrome, gravée à l'encre bleue, d'un bleu céruléen ou azur, plus ou moins profond. À bord d'un paquebot, lorsque vous faites la traversée entre Le Havre et New York, avez-vous déjà regardé la pleine mer à travers le hublot ? Que voyez-vous ? Les flots, à perte de vue, l'horizon et le ciel. En fait, plutôt une ouverture, une fenêtre sur cet horizon, puisque les bords du hublot limitent votre vision panoramique des choses. Voilà, vous y êtes. Alechinski vous propose un regard sur la pleine mer à travers un hublot. Un hublot bien à lui, carré et non point rond, pour focaliser votre attention sur un bout d'océan. À bord d'un paquebot, lorsque vous faites la traversée entre Saint-Nazaire et Alexandrie, avez-vous déjà regardé la pleine mer à travers le hublot ? Que voyez-vous ? Une ligne qui traverse votre champ de vision presque à mi-hauteur. Un horizon flou et changeant, limite naturelle entre mer en contrebas et ciel en contre-haut. Chez Alechinski, la mer est vivante, presque grosse, rendue mouvante par des rubans capricieux d'encre bleue, déployés et empilés en vagues successives sur leur support de papier cru. Leurs ondulations, d'abord fortes en premier plan, vont s'amenuisant en se rapprochant de l'horizon flottant, donnant une impression palpable d'éloignement et de perspective. L'horizon fait trait d'union entre le ciel et l'océan, certes, mais sa réalité est augmentée par la présence d'un autre navire, gravé en ombre chinoise et qui bourlingue au loin. Difficile d'apprécier à première vue la nature de ce bâtiment. Cependant, nous pouvons affirmer sans risque qu'il s'agit d'un bateau à puissant moteur si l'on en juge par le long panache de fumée en encre bleue qui serpente depuis son port supérieur jusqu'à la frontière céleste délimitée par notre hublot. Mieux ! Les deux silhouettes en arêtes de poisson inversées qui jaillissent de sa proue et de sa poupe ressemblent fort à des mâts de charge, trahissant ainsi sa nature de cargo, bâtiment de commerce toujours brinque-ballé entre deux ports internationaux. À bord d'un paquebot, lorsque vous faites la traversée entre Bordeaux et Sydney, avez-vous déjà remarqué la pleine mer à travers le hublot ? Que voyez-vous ? Un cargo qui s'enfuit à l'horizon accroché aux nuages par un long panache de fumée bleue. Vous avez envie de suivre des yeux ce chemin léger ascensionnel. De lire ce message en morse gravé sur le papier du ciel. Mais à trop vouloir saisir le mouvement ? Décrypter les présages dans les nuées. Vous oubliez que vous êtes vous-même sur un navire. Et c'est votre cœur, cette fois, qui chavire. L'eau forte réalisée par Alechinski en 1962 pour illustrer les 75 premiers exemplaires du recueil de poésie d'Yves Bonnefoy intitulé Les traversées et paru chez Fata Morgana éditeur ne fait bien que 14 par 14 cm à peine. L'artiste nous propose un regard sur la pleine mer à travers un hublot. Un hublot bien à lui. Carré et non point rond. Pour focaliser notre attention sur un bout de mer de Chine. Et le carré hublot, le cadre de l'eau forte, est lui-même à bord ondulant, rejoignant dans son mouvement à l'encre bleue profonde les vagues de la mer, l'ondulation du panache de fumée d'un cargo fuyant à l'horizon et les circonvolutions graciles des nuages pris au vent. Ainsi tout bouge, tout navigue, tout vit dans cette eau forte, pourtant figée, d'Alechensky. Voici le miracle du geste calligraphié au pinceau, transformé par l'acide et gravé sur le papier. En regardant à travers ce hublot, vous êtes plus que le spectateur d'une gravure exposée dans un livre. Vous devenez, malgré vous, témoin d'un moment de grand large. Vous vivez l'instant graphique comme si vous y étiez. Vous aussi. De cette traversée imaginaire à bord du paquebot France entre Marseille et Yokohama. Dans les Alpilles, un atelier silencieux. Pierre Alechinski peint dans le calme, ou presque. Timidité ou modestie, l'un des plus grands peintres contemporains se définit avec humour. Mettons que je suis un peintre du dimanche avec beaucoup de dimanches dans la semaine. Régulièrement, Alechinski déchire ses dessins. Mais il poursuit, c'est une méthode, il ne s'arrête jamais à une première impression. Le jour où la première ligne ne va pas, on se dit « c'est pas mon jour ». Il n'y a rien de plus dangereux parce que le lendemain peut très bien ne pas être son jour non plus. Le maître n'est pas un peintre conceptuel, il se refuse à décider de ce qui prendra forme. Il est très difficile de prévoir d'avance ce qu'on va faire, il faut le faire. Et le moindre trait en inspire un autre, c'est un jeu avec soi-même. Quand il ne peint pas sur le sol, Pierre Alechinski travaille sur une table basse pour que le corps soit libre. Un bon dessin, c'est presque toujours venu de beaucoup plus haut et de beaucoup plus mystérieux que simplement le bras calé. L'adolescence du peintre, ce sont les années de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. La rencontre du Sud sera pour lui une libération. Ma génération était dans le noir, sous l'occultation, l'occupation et l'occultation. On n'imagine pas ça. Ce qui fait que, dès la libération, l'année qui a suivi la libération, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller vers la lumière. Quand on lui demande s'il a effectivement trouvé ici la lumière, Pierre Alechinski, élu de la question, il dira seulement « La lumière du Sud, je ne l'ai pas trouvée, je l'ai reçue ». En écho à l'évasion maritime d'Alechinski, laissons venir à nous quelques vers salés du poète Yves Bonnefoy, extrait de son recueil « Pierre écrite, 1965 ». Navire d'un été, et toi comme à la proue, comme le temps s'achève, dépliant des étoffes peintes par l'en bas. Dans ce rêve de mai, l'éternité montait parmi les fruits de l'arbre, et je t'offrais le fruit qui illimite l'arbre, sans angoisse ni mort, d'un monde partagé. Vague au loin les morts au désert de l'écume, il n'est plus de désert, puisque tout est en nous. Il n'est plus de mort, puisque mes lèvres touchent l'eau d'une ressemblance éparse sur la mer. Ô suffisance de l'été, je t'avais pur comme l'eau qu'a changé l'étoile, comme un bruit d'écume sous nos pas, d'où la blancheur du sable remonte pour bénir nos corps inéclairés. Nous était apparu la faute et nous allions, dans l'immobilité comme sous le navire, bouge et ne bouge pas le feuillage des morts. Je te disais ma figure de proue, heureuse, indifférente, qui conduit, les yeux à demi clos, le navire de vivre, et rêve comme il rêve, étend sa paix profonde et s'arc sur l'étrave où bat l'antique amour. Souriante, première, délavée, à jamais le reflet d'une étoile immobile dans le geste mortel, aimé dans le feuillage de la mer. À l'école, le jeune Belge Alechinski est un élève moyen dont les professeurs contrarient le caractère gaucher, en ne lui accordant l'utilisation de sa senestre que pour des activités mineures comme le dessin. De 1944 à 1948, il étudie l'illustration des livres, la typographie et l'imprimerie, ce qui explique son attirance pour la gravure qu'il approfondira à l'atelier 17 dirigé par Stanley Ether. Pierre Alechinski réalise sa première exposition personnelle en 1947 à la galerie Lou, Cousin de Bruxelles, juste avant d'entrer dans le mouvement de Cobra, dont il deviendra un membre actif. À partir de 1954, Alechinski apprend la peinture chinoise et, après plusieurs voyages en Extrême-Orient, où il découvre la calligraphie japonaise, son œuvre gagne en fluidité et en spontanéité. Dans les années 1950, Alechinski fait de fréquents voyages aux États-Unis. Il y découvre la peinture acrylique et y invente les remarques marginales. Vous savez, ces vignettes inspirées de la bande dessinée qui entourent la composition centrale et complètent le sens du tableau. Ah, elles deviendront sa signature artistique majeure. Artistique reconnue tôt dans sa carrière, Pierre Alechinski a exposé dans de nombreuses galeries et répondu à différentes commandes publiques, dont la décoration de la rotonde de l'hôtel de Lassay à l'Assemblée nationale et la création d'une fresque monumentale, l'Arbre bleu, sur la façade d'un immeuble du 5e arrondissement rue Descartes à Paris. En 2007, pour ses 80 ans, les musées royaux de Belgique lui ont rendu hommage à travers une large rétrospective. Aujourd'hui, à 92 ans, toujours en inspiration et à son rythme, Pierre Alechinski continue de créer. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. L'œuvre intitulée « Marseille, Yokohama » est la grande sœur des traversées que nous dépeignons tout à l'heure. C'est une ouverture à deux niveaux. En partie haute, dans un rectangle à la française, un dessin réalisé à l'encre noire sur un papier vélin d'arche représente la même scène que le tableau. Je devrais dire que le hublot précédent. Même ondulation de mer en ruban jusqu'à l'horizon, même silhouette sombre au loin d'un cargo dansant sur les flots. Seule différence peut-être. Le ciel plus grand est ici ciel d'encre. Un ciel d'hiver nuageux et angoissant, parsemé de points blancs qui figurent. À s'y méprendre. Un premier plan de flocons de neige en mouvement. Serions-nous dans l'océan Pacifique à quelques encablures des côtes du Japon ? L'œuvre intitulée « Marseille, Yokohama » de Pierre Alechinski est une fenêtre ouverte sur le monde de 135 cm de haut par 75 cm de large. C'est une ouverture à deux niveaux. En partie basse, l'artiste utilise comme support une carte de navigation aérienne en quadrichromie, dont il s'est contenté de décorer les bords à l'aide de son pinceau trempé dans l'encre, la même encre noire que celle qui a servi à peindre la partie haute du tableau. Un haut, vous saisissez l'instantané photographique d'un moment de traversée au long cours dans une ambiance de haute mer hivernale et sombre. En bas, vous dépliez la carte du temps multicolore où s'organisent des ponts aériens entre destinations. Entre Marseille et Yokohama, sans doute. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, we're sure to find happiness, and I guess. L'œuvre intitulée Marseille, Yokohama de Pierre Alechinski est une invitation irrésistible au voyage, au grand voyage. Une invitation à parcourir les grands espaces. Comme celui du large. Rendu sauvage par sa noirceur tempétueuse. Ou comme celui du ciel. Symbolisé par sa cartographie aérienne, tissée d'un continent à l'autre. En haut, vous voguez entre deux escales. En bas, vous volez entre deux capitales. Et si vous fermez les yeux, vous finirez bien par entendre la fumée noire et grasse monter au-dessus du cargo dans un ciel d'encre ponctué de grains de neige. Vous arriverez même à dessiner le parcours imaginaire qui vous attend sur la carte de vos rêves. Vous attendrez. Vous entendrez. Vous respirerez. Voilà, pour mieux connaître le peintre graveur-auteur Pierre Alechinski, autodidacte virtuose, vous pouvez consulter le brillant ouvrage intitulé « Alechinski, sources et résurgences » de Daniel Abadi, paru chez Azan Éditions en 2006. Vous avez aussi la grande chance de pouvoir aller voir, d'ici quelques jours, l'exposition intitulée « Alechinski et Carré Lapel » qui aura lieu du 12 mars au 30 avril à la galerie Le Lang & Co., 13 rue de Téhéran à Paris. Pierre Alechinski et Carré Lapel se connaissent depuis 1949 et leurs années Cobra. Ou encore, si vous deviez séjourner en Andalousie dans les semaines qui viennent, voir son exposition personnelle. Pierre Alechinski, retour au pays de l'encre. Et ce jusqu'au 5 avril prochain au centre Pompidou, Malaga. Enfin, côté musique, ce sont différents morceaux de jazz présentés au Festival de Jazz de Cannes en 1958 qui ont donné le rythme de cette émission, avec dans l'ordre Swan River de Sidney Bechet, Indian Summer avec Coleman Hawkins, Blues en si bémol de Joe Turner et enfin I Can't Give You Something But Love d'Ella Fitzgerald. C'est un double CD d'anthologie. Jazz sur la Cosette, la Croisette. Produit par Lina dans la collection Ina Mémoire Vivre en 2009. Ambidextre, le peintre et écrivain Pierre Alechinski. Ambidextre, c'est aussi le titre qu'il a choisi pour son nouveau livre publié chez Gallimard. Un recueil de près de 500 pages et une intention, dit-il, très simple. En fin de vie, réunir trois livres que j'avais déjà publiés chez Gallimard et d'en faire un seul avec la possibilité de pouvoir légèrement l'illustrer. Avec ses propres illustrations et celles d'autres artistes. Né en 1927 à Bruxelles, cela fait 70 ans que Pierre Alechinski écrit, dessine et peint. Je n'ai pas appris à peindre, je n'ai jamais étudié la peinture, je n'ai jamais osé me dire que je deviendrais peintre. Et je me suis inscrit dans une école où on apprenait la typographie et les métiers du livre. C'était une façon d'échapper aux derniers de classe que j'étais à l'époque. Alors petit à petit, je me suis mis à peindre, mais sans maître. C'est-à-dire que des amis le sont devenus. Des amis et des complices, comme l'artiste danois Asger Jorn, son aîné dans le mouvement Cobra, acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, qui rejetait le retour du réalisme de l'après-guerre. Et oui, vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM au cœur de l'émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Un voyage sonore qui ne manque pas d'air et encore moins d'imaginaire. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Voilà, après l'archive sonore de 1973, un extrait du film Robin des Bois de Walt Disney et le sifflement joyeux d'Adam de la Halle, le fameux coq ménestrel et narrateur, voici pour les plus grands, voici le moment tant attendu de la chronique de Fabienne. Et oui, c'est moi qui viens de siffler à l'instant. Surprenant, non? C'est le début de l'ère « Siffler n'est pas tué » dans le film « Kill Bill » de Quentin Tarantino. J'ai toujours ressenti un vif plaisir d'émettre un son avec ma bouche, naissant du souffle d'air créé par mes turbulences internes et que leur résonance transforme en ondes mélodieuses, en théorie, lorsque l'air passe par mes lèvres arrondies comme pour arrondir les angles. Oui, siffloter pour jouer avec le souffle de mon corps et me sentir vivante. Quel plaisir! Je suis une fille et je siffle. Et alors? Seriner pour me plaire à croire que je suis légère comme le petit oiseau perché sur sa branche pour accueillir le lever du soleil ou telle la marmotte du haut de son rocher pour appeler ses congénères. Je siffle à toute heure de la journée lorsque mon humeur est tranquille et lorsque l'envie m'en prend. Et puis flûter aussi pour me rappeler mon père sifflant son bonheur sur un air d'opéra. Comme dans l'Andante con moto de Franz Peter Schubert, interprété par le sextuor du siffleur. Ou siffler encore comme Valérie Lemercier dans le film « Sexe faible » quand elle se met irrésistiblement et frénétiquement à seriner lorsqu'elle rencontre François Cluzet qui lui plaît énormément. Oh là là, heureusement que nous ne sommes pas toutes sujettes à ce toc. Imaginez la scène lors d'un repas professionnel dans un restaurant guindé. Bon, à choisir, que vaut mieux-il ? Striduler au milieu des convives ou siffler des verres pour cacher son émoi, surtout s'il n'est pas partagé ? Rendons hommage également à Walt Disney dans Blanche-Neige et les Sept Nains où ces derniers sifflotaient en travaillant pour se donner du courage dans notre société de labeur où le travail est encensé sur l'autel de notre vie. Certes, il ne suffit pas de siffler en travaillant pour que la tâche devienne miraculeusement agréable, mais cela peut contribuer à nous la rendre supportable. Une chose est sûre, si nous arrivons au travail de mauvaise humeur, tout souci si petit soit-il prendra une envergure démesurée. Tout comme lors d'une vive discussion où le ton monte, se met à siffler pour calmer son propos plutôt que de persiffler des mots d'amertume qui pourraient dépasser notre pensée au final, nous permettraient de faire baisser notre taux d'adrénaline et de cortisol et notre système nerveux nous en remercierait bien. Imaginons une scène de ménage où les deux parties entameraient un duo sonore chaotique mais qui pourrait être au final la solution à leur dispute. Le sifflement a même été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour le langage sifflé de l'île de Gomera. J'ai nommé le silbo. Malgré un vocabulaire restreint, des conversations entières peuvent être sifflées et leur portée sans amplificateur, précisons, peuvent aller jusqu'à 8 à 10 km. Quelle délice de se divertir de ce jeu libre et gratuit de tout droit d'auteur. N'est-ce pas là un acte de liberté totale dans ce monde aux multiples servitudes ? Allez, imaginons des cours de sifflement comme il existe des cours de chant, de yoga, de rire. Tout est permis. Écoutons un extrait d'une chanson du chanteur-compositeur Féloche pour terminer. Nous les humains sifflent aussi, le plus beau chant du plus bel oiseau. Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Lino De Giuli. peintre et champion de l'art construit. Que nous sommes allés rencontrer dans son atelier moulin de Vienne-en-Arty. Et bien voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Et ce soir, nous avons, je dis toujours la chance, mais c'est vrai, c'est la chance, d'accueillir un peintre tout à fait exceptionnel, Monsieur Lino De Giuli. Salut Lino. Salut. Merci de me recevoir. Ah bah écoute, c'est tout à fait... J'ai pas envie de dire normal, j'ai envie de dire avec plaisir. Voilà. Lino, on a l'habitude dans cette émission, pour que nos auditeurs sachent un petit peu à qui ils ont affaire, alors on n'est pas obligé de remonter aux calendes grecques, mais c'est sympathique de connaître un petit peu la trajectoire de nos invités. Et la tienne, alors quand je t'ai posé cette question chez toi, là-bas, au Moulin Madame, la première chose que tu m'as dit, c'est « Mon père est né à Rome et maman est mayonnaise ». Exactement. Je trouve que c'est une entrée en matière assez costaud. Donc, voilà. De fait, je suis méta-méta. Méta-méta. Mm-hmm. C'est très à la mode d'être méta aujourd'hui. Comme les métadonnées. Non, mais méta ne veut pas dire métou. Ouais. Et donc, certes, un papa plutôt italien. Né à Rome, voilà. Oui, bien sûr. Mais une enfance dans un quartier parisien, une enfance très heureuse, avec des copains pour faire la fête dans le quartier. C'était quel milieu, cette vie parisienne? C'est le boulevard, le Faubourg Saint-Antoine, ouais. Qui est fantastique. C'est le cœur de l'artisanat parisien. À l'époque, quand moi je suis arrivé, tous mes petits camarades étaient fils de menuisiers, fils de vernisseurs, etc. Et mon père était miroitier, donc nous avons vécu notre enfance dans les ateliers, ouais. En définitive. Avec toutes les... Et c'est là l'odeur des vernis, l'odeur du bois frais, et... C'est le vernis surtout qui me touchait, moi, personnellement. Ça a un côté... qu'est-ce que ça fait, le vernis? Ça sent bon, ça, je le sais, mais... Bah, ça sent la térébenthine, voilà. Surtout. Voilà. Surtout. Donc, en fait, t'étais sniffé à la térébenthine, quoi. Ah oui, carrément. Et je crois que tu me disais que tous les concierges du quartier vous connaissaient, vous, les petits bambins. Absolument, là. Oui. Paris, à l'époque, c'était une multiplicité de villages. Yes. Voilà. Donc le Faubourg Saint-Antoine et tous les gamins qui couraient dans les rues, c'était un village et toutes les concierges effectivement du quartier nous connaissaient tous les mômes qui cavalaient partout. Il y avait une liberté exceptionnelle dans la rue à l'époque. Bon, c'était une vie beaucoup dehors, mais l'appartement était petit pour accueillir tout le monde. L'appartement n'était pas très grand, effectivement. Ouais, parce qu'il y avait du monde dans l'appartement. Oui, il y avait quand même du monde, effectivement. Il y avait Lino, sa sœur, deux parents et une grand-mère. Et une grand-mère. Et la grand-mère Anita. Anita, ah, pardon, Anita, j'aurais dû commencer par là. Et la grand-mère était un peu spéciale, j'ai un souvenir. C'est-à-dire que ma grand-mère, spéciale, je ne dirais pas ce terme, mais elle refusait de parler l'italien à la maison. Elle avait fui quand même l'Italie avec mon père qui était tout minot. En 1924. Et donc, c'était la montée du fascisme, la marche sur Rome. Donc, quand elle s'est réfugiée en France... Fallait tourner la page. Voilà. Donc, mon père n'a jamais parlé l'italien. C'est moi qui suis retourné en Italie pour retrouver mes racines, en fait. D'ailleurs, d'où vient ce nom De Giuli? De Giuli, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Uh-huh. Parce que je n'ai pas eu de grand-père. Et mon arrière-grand-père, Alessandro De Giuli, était sculpteur. Ils ont fait beaucoup, lui et ses fils ont fait beaucoup de travaux à Rome. Mmh. Voilà. Et quand il y a eu la montée du fascisme, malheureusement, ma grand-mère qui s'est retrouvée enceinte, avec la montée et la marche sur Rome, ce qui n'a pas été facile, a décidé de se rapatrier en France. Voilà. Waouh. L'expédition, il y en a eu beaucoup à l'époque hein, qui ont eu ce geste de survie, si je puis dire. C'était un peu de la survie. Bah, de survie, oui, et puis aussi de conscience, d'intégrité par rapport à ce qu'était la famille de mon arrière-grand-père. Ils étaient tous des artistes, hein, quand même, il faut pas l'oublier. C'est grâce à eux, d'ailleurs, c'est grâce à ma grand-mère que je garde le nom de Julie. Eh bien, vive la grand-mère. La grand-mère Anita. Anita. Justement, tiens, parlons des arts. Comment tu es arrivé à rentrer dans ce qui sera ta vie après, plus tard, à savoir le monde artistique. Je crois savoir qu'en classe de terminale, tu as passé un concours, ou en tout cas un examen pour rentrer aux Beaux-Arts. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, tu as laissé en cours ta terminale pour aller directement aux Beaux-Arts. Exactement. Bon. Voilà. Une décision. Bon, écoutez, moi j'ai toujours dessiné, peint. J'ai eu la chance d'avoir un petit problème au niveau du cœur qui m'a fait échapper à toutes les contraintes du sport, etc. Donc je dessinais constamment. Oui, je dis échapper, oui. Il fallait s'occuper, donc tu dessinais, voilà. Du coup. Et j'ai toujours fait ça, toujours, depuis que je suis tout gamin, je bricolais, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait mes études secondaires, et donc je me suis aperçu qu'en définitive, pourquoi pas ne passer le concours de l'école des Beaux-Arts. Voilà. Donc j'ai quitté ma terminale parce que j'ai été reçu. Et on est en 1969. Exactement. Ouais. Voilà. Eh bien, dis donc, tu es reçu et tu as passé, je crois, tu m'as dit 3 ans là-bas. Voilà, exactement. 3 ans, mais pas de diplôme. Pas de diplôme. C'était pas ton objectif. Non, c'était pas mon objectif. Ben, j'ai quand même vécu une vie de bohème pendant quand même beaucoup, beaucoup d'années. Et il fallait que je... Bon, déjà, moi, j'étais complètement indépendant. J'ai quitté la maison familiale à 17 ans, donc voilà, donc... Tu vis de quoi ? De petits boulots ? Tu partages une piole avec un copain ? Ouais, voilà. Au bout d'un moment, j'ai carrément vécu dans ma voiture. Ah oui ? Enfin, bref, c'est voilà. Mais je n'ai jamais... Il y a une seule chose que je n'ai jamais quittée, c'est la peinture. Ouais. Est-ce que tu as encore des carnets de dessins que tu faisais enfant ? Ah oui, il m'en reste quelques-uns, oui. Uh-huh. J'ai perdu énormément de choses. Bien sûr. Parce que j'ai tellement pérégriné que, effectivement, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais par contre, par exemple, dans ma vieille 4L, où il y avait tous mes cartons à dessin de mes travaux, je devais avoir 22 ans, uh-huh. Tout ça, ma 4L a été embarquée à la fourrière et je n'avais absolument pas les moyens de la récupérer. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues aussi dans ce véhicule. Si on regarde aujourd'hui un dessin de Lino, je ne sais pas, à 12 ans ou à 14 ans, est-ce qu'on retrouve encore des choses? Bah, ça, je peux pas... C'est pas à moi de le dire. Hein. Non. Non. D'accord. Moi, j'ai fait mon apprentissage tout gamin. Ouais. Voilà, donc... Après, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts sur le concours, comme tu dis. Et puis après, c'est très difficile à dire. Effectivement, il peut y avoir... Non, j'étais plus dans... est-ce que ça provoque une émotion de retrouver ses dessins d'enfance et de se dire... Voilà, je suis parti de là. Une émotion, non. Peut-être un peu de nostalgie, ouais. Mais très mesurée. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, très bien. J'ai noté, puis on va après parler un petit peu de tes activités d'aujourd'hui. Mais bon, j'avais noté aussi que tu... Alors tu dis ça avec beaucoup d'humour, j'aime bien. Je ne peux pas me passer de dame. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit. Oui. Ah ben non, je ne peux pas me passer de dame. Voilà, et je crois qu'il y en a eu un certain nombre dans ta vie. Oui, oui, un certain nombre, comme tu dis très justement. Ça laisse beaucoup de d'imagination. Non, non, mais c'est effectivement, c'est quand même le plus beau ou le plus beau territoire qui puisse nous être offert à nous les hommes, à conquérir, à investir et à, surtout à échanger. Mmh. Voilà, c'est quel magnifique, les mots me manquent, là, le fait. Ça t'a beaucoup inspiré. Oui, beaucoup, ah ouais. Beaucoup, beaucoup. On va faire une petite pause musicale. Je crois que c'est Paolo Conte. Paolo Conte. Et pourquoi ce titre-là particulier? Alors, Paolo Conte, c'est, pour moi, c'est... Alors, on parlait de nostalgie tout à l'heure, mais Paolo Conte, pour moi, c'est mes souvenirs de mes résidences à Rome... sur la plage, lorsque j'étais à la fois très jeune, hein, parce que j'étais hébergé par mon cousin Giorgio, qui m'avait prêté sa petite villa au bord de la mer, et c'était complètement, c'était l'hiver, c'était complètement désert, et en même temps j'ai beaucoup peint là-bas. À l'époque, je faisais du figuratif, beaucoup de personnages. Et j'allais de temps en temps, seul, sur ce bord de mer, en pensant, effectivement, à l'ailleurs. Voilà. Écoutons. Una giornata al mare. Solo e con 1.000 lire sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore, cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità, e laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia è la tua, e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Voilà les applaudissements pour Paolo Conte. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Ce soir, on accueille Lino De Giuli. Il était en train de me raconter ce que racontait cette chanson et ça lui allait parfaitement. On est à Rome, au bord de la mer, et Paolo raconte tout simplement ce qui se passe au bord de la mer, mais en même temps, il pense à sa belle. Et on était en train de dire ça tout à l'heure avec Lino. Bon, c'est vrai qu'il a connu un certain nombre de dames dans sa vie. L'une d'entre elles lui a donné 2 enfants, je crois. Oui, exactement. Hein, oui. Qui sont très grands maintenant. Oh, ma foi. Une 40aine d'années déjà. D'accord. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Bon, et en plus, ils sont artistes. Non. Les deux ? Non, pas les deux. Ma fille est historienne et mon fils est acteur et comédien. Mais ils ont tous les deux un côté artiste qu'ils ont sans doute pris chez leur papa. Ça serait pas étonnant. Je veux savoir. Alors, je ne sais pas comment, dans cette deuxième partie, je ne sais pas trop comment aborder le travail de Lino. D'abord, quand on va dans son atelier, il est très grand, cet atelier, il a la chance d'avoir un beau niveau dans un moulin. C'est à Vienne en Artie. Et il y a des tableaux partout. Mais ça, c'est bon signe, ça veut dire que ça bosse. Il y a une grande, il y a même plusieurs tables, mais il y a au moins une grande table au milieu sur laquelle Lino pose ses toiles. Et c'est là que tout commence. Et je ne sais pas comment parler de cela parce que tout est une histoire de couleurs, de lignes. J'ai presque envie de dire de volume, même s'il n'y en a pas a priori. Quoique de temps en temps, il me semble que tu fais des objets en 3 dimensions. C'est un travail extrêmement minutieux, millimétré. Bien sûr, il y a toute une partie de peinture, mais il y a aussi toute une partie de géométrie, de calcul. Il y a des histoires, parce que ces tableaux racontent des histoires. Ça, je m'en suis vite aperçu. Comment tu peux faire pour nous présenter ton travail à la radio ? Disons que moi, j'ai eu une formation très classique, ouais. Comme je te l'avais dit. Hein, et puis... mais c'est tout un parcours. C'est tout un parcours qui s'est fait... d'année en année, de connaissance de l'art en connaissance de l'art, avec tous mes maîtres, hein, parce que j'en ai de nombreux, hein, que ce soit des plus anciens comme Giorgione, Titien, la peinture vénitienne, etc. Le Gréco que tu es allé voir récemment. Le Gréco que je suis allé voir récemment. Ouais. Mais le Gréco, c'est encore autre chose. Mais tout ça est un grand héritage, voilà. Et puis, bon, moi, j'ai fait de la peinture figurative pendant 25 ans, quand même. Voilà. Donc, essentiellement du personnage, quasiment jamais de paysage. Et très humaniste, bon, je le reste. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut... Là, je vais reprendre une très jolie formule de Roland Barthes qui disait « dire 2 choses avec moins de mots ». Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que ma peinture commençait à être bavarde. Et j'ai petit à petit, stylisé, ouais. Et je suis arrivé à l'abstraction. Et l'abstraction géométrique, c'est un domaine infini, quoi. C'est voilà, c'est là où on peut tout faire en disant tout. Voilà, donc maintenant c'est de l'abstraction géométrique, mais c'est fabuleux. C'est un gouffre d'invention. Quand tu représentes un personnage, tu ne te perds pas. Tu essayes d'exprimer une émotion, une expression, etc. Mais la peinture est mangée par la représentation. Par contre, dans l'abstraction géométrique, là, tout est ouvert. Et c'est pour ça que je me suis orienté dans cette direction. C'est amusant que tu... En parlant de peinture géométrique, tu dis « orienter dans une direction ». Oui. Je trouve que ça va très bien. Bon, enfin, Mais du coup, tu t'es libéré, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Je me suis à la fois libéré et à la fois... Je me suis mis énormément de contraintes que je n'avais pas. Parce que, bon, je connaissais toute la technique, etc. Moi, j'ai fait des études. J'ai peint pendant des années, etc. Mais je me suis... libéré, mais je me suis mis aussi... Enfin, c'est... Comment dirais-je ? Bah, tu es dans un monde beaucoup plus exigeant, peut-être. Est-ce que ça paraît exigeant? Exigeant, oui, certainement. Oui, tout à fait. Ça, alors là, ah oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Et moi, j'appréciais tous les artistes des origines jusqu'à nos jours. Moi, je retourne aux peintures de Lascaux, de la Corte-Chavet, etc. Régulièrement, régulièrement. Mais je fais de l'abstraction géométrique. Et il m'importe énormément, énormément. Ouais. Je m'aperçois que le terrain est très vaste et qu'il faut encore l'explorer. D'ailleurs, c'est Marc Rothko qui disait la peinture et l'art. L'art est un lieu, je ne me souviens plus exactement de la formule, mais l'art est un territoire difficile, seuls qui peuvent l'explorer. Bon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Dans notre entretien au Moulin, tu m'avais dit c'est beaucoup plus complexe que la peinture figurative. Ah oui, c'est beaucoup plus complexe, ouais. Sans aucun doute. Ouais. Oui, ouais. Parce que le dessin, quand tu sais très bien dessiner, tu peux le cultiver, tu peux changer de forme, de volume, de tout ce que tu veux, de trait, de crayon, de plume, de tout ce que tu veux. Par contre, là, tu rentres dans un territoire inconnu, justement. Il faut prendre des risques. Alors, c'est amusant parce que depuis tout à l'heure, on essaye de cerner ce que c'est que cette peinture géométrique. Et il y a un mot qui manque, qui est quand même très très important, c'est la couleur. Parce que chez Lino, non seulement c'est géométrique, mais c'est, j'ai envie de dire, très bellement mis en couleur. Parce qu'il y a plein d'histoires de rythme. Il n'y a pas une ligne qui ne porte pas sa couleur, sans faire de jeu de mots chez toi. Et du coup, c'est beaucoup plus qu'une histoire géométrique, c'est aussi un langage de couleur. Oui, enfin, de fait, moi, ouais. Je ne suis pas un peintre monochrome. Non, voilà. C'est pas ce que tout simplement. Oui, mais alors, du coup, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi, sur cette toile, pourquoi tu décides tout d'un coup de faire un aplat d'un jaune un jaune très fort, quasiment, pratiquement, je dirais, le jaune de base, et puis à côté, de mettre un rouge pétant. Voilà, c'est quoi? Bon, alors, c'est tout à fait simple, en définitive. Je regarde ma palette, il me reste du jaune, je te balance du jaune. D'accord. Et après, je me débrouille avec. D'accord. Voilà. Parce que, en définitive, le travail, c'est de se mettre constamment en défi. Mmh. Constamment. Mmh. D'accord. Donc, si tu as une palette, là, tu as du bleu, tu te dis, tiens... Voilà, mais après, ça se complique. Et au fur et à mesure que l'œuvre se construit, c'est de plus en plus subtil. Et j'aime bien ce mot « subtil », parce qu'en définitive, alors après, tu peux construire des teintes délicates, ou moins, ou très fortes, mais au départ, il faut toujours prendre un risque quand on commence une pièce. Est-ce que toujours. Est-ce que ça veut dire que tu démarres par prendre, enfin tu commences ton œuvre par prendre un risque et ensuite tu construis autour du risque. Oui, oui, oui, oui, toujours, uh-huh. Toujours. Uh-huh. C'est ce qui est étonnant aussi, c'est et moi ce que je trouve presque agréable dans ton travail, c'est que on regarde une toile de Lino et il y a deux choses qui sortent très vite, indépendamment de tout ce travail énorme de peinture, de précision. Parce qu'il faut énormément de temps pour faire ça. Oui. Il y a deux choses qui arrivent très vite. Il y a d'abord une grande notion de paix. Ah, ça me fait plaisir. Parce que, voilà, c'est... Et pourquoi c'est en paix? Parce que c'est très... Et c'est complètement sous le signe de l'équilibre. Et ça, c'est une grande prouesse. Pour mais moi. Mais c'est pas toujours évident, parce que dans mon travail... Justement, je cultive aussi le paradoxe équilibre déséquilibre. Et c'est ça qui m'intéresse parce que ça crée une dynamique et un rythme. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord pour dire qu'il peut y avoir équilibre et déséquilibre. Et déséquilibre. Mais en fait, l'ensemble, du coup, C'est un petit peu comme une balance. L'ensemble, oui, oui. Du coup, gagne en, je dirais, en force. Et voilà, je trouve que les couleurs sont toujours bien administrées, dans le sens où elles se répondent l'une l'autre. Les formes se répondent aussi. Y a des choses qui sont tranchantes, mais qui passent au milieu d'espaces qui sont beaucoup plus ronds. Et voilà, c'est tout un univers, c'est celui de Lino qu'il faudra découvrir bientôt. Avec plaisir. Tu exposes régulièrement. Bon, ne vous fâchez pas, chers auditeurs. Lino n'a pas de page Facebook, n'a pas de site internet, il n'a pas le temps pour ça. Non, mais il suffit de taper. Voilà, on tape Lino de Giuli, ça s'écrit G-I-U-L-I. Sur internet, on trouve déjà pas mal de choses. Tout ça pour dire que régulièrement, tu fais des expos ici, dans le Val d'Oise ou même ailleurs à Paris, puisque tu es dans galerie. Donc on peut te retrouver relativement facilement. Mais il y a un grand projet actuellement sur lequel tu travailles. Là, pour le coup, tu as endossé le costume de commissaire d'exposition. C'est une exposition qui devrait avoir lieu au château de la Roche-Guyon en 2021, je ne sais pas exactement. Septembre, octobre, novembre. Et ce sera bien sûr une exposition autour de l'art construit. Ah oui, oui, absolument. Elle va s'intituler Présence de l'art construit. Ouais. Et on a réuni 35 artistes. Tous... avec malheureusement des anciens qui ne sont plus de qui ne sont plus là, qui ne sont plus là, on va le dire, mais avec la collaboration de grandes galeries parisiennes, la galerie La Humière, la galerie Wagner, et puis le musée Tavette Pontoise aussi, Monsieur Christophe Duvivier, qu'on salue au passage, partenaire que nous saluons au passage, et puis donc et encore. Encore beaucoup de choses à faire. Les 30 artistes ont tous répondu à l'appel. Ça va être un très, très, très grand événement dans le Val-d'Oise. Avec un très haut niveau dans ce domaine de l'art construit. Ah, c'est tous des pointures. Hein. Ouais. Et donc, j'en profite, si je peux me permettre. Vas-y. Pour vous dire qu'il y a une rétrospective de Charles Bézy. Qui sera aussi dans l'exposition à la Galerie Wagner à Paris, rue des Grands Augustins. Voilà. C'est en ce moment, c'est quand ? En ce moment, jusqu'au 13 mars. Eh bien voilà, l'annonce est faite. Merci Lino d'être venu jusque dans les studios de Radio RGB et on va te suivre avec plaisir. Bonsoir. Merci beaucoup. Et oui, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Berne-sur-Oise et Frépillon, et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Lino De Giuli d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 7e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 6 avril à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne soirée à tous.